Thank you. We'll be right back. wanna stay. Bienvenue là. J'ai dit bienvenue. J'ai dit bienvenue là à tout le monde là. J'en ai dit bienvenue. J'en ai dit bienvenue là pour tout le monde. C'est bienvenue là dans la salle ici présent. C'est là, nous allons parler, nous allons chanter. C'est ça que je veux dire. C'est que là, tous ensemble, nous allons chanter. Comment? C'est vraiment que main dans la main. Nous allons chanter, nous allons partager. C'est pour ça que je vais vous jouer des accords. C'est que nous allons nous unir. Tels les humains sont unis. C'est ça que je veux dire. C'est ça, nous tenons la main. C'est main dans la main. Ah, ça c'est vrai. Hein? Il faut bouger le popotin là, il faut bouger le popotin là, comment? popotin. Moi j'ai le popotin. J'ai le popotin. J'ai le popotin. Bouger. Bouger. Bouger le popotin. Faut bouger le popotin. Faut bouger. Ah non la la. Faut bouger. Bouger le popotin. Bouger le popotin. Bouger. Faut bouger. Popotin là, comment vous allez vous lever là, tous ensemble là, tous ici présents, vous allez vous lever. Il y a que je me dis, c'est que faut bouger le popotin là. Bouger le popotin, faut bouger. Aïe aïe aïe aïe aïe. Bouger le popotin, tu bouges le popotin, faut bouger. Ah là là là. Yeah. Charo no Titio Siberdogo Martino Charo no Siberdogo Siberdogo Titio Martino Charo no Siberdogo Titio Martino. Banano, matineo, danseo, banano, titio, matineo, charono, siberdogo, titio, matineo, charono, siberdogo. Africaneo. Tu as dit bravo, c'est ça que j'avais dit, c'est que j'avais dit bravo là. C'est ça que j'avais dit, c'est que vraiment les gens ont bougé les popotins ce soir. C'est ça que j'aime beaucoup les gens comme ça quoi. Tu sais, les gens se mettent sur les canapés, ils bougent le popotin là. Ils s'en foutent là. C'est vraiment ce que j'aime vraiment dans la vie. Tu sais, les gens qui sont. Tu sais, les gens ne sont jamais fatigués, hein, vraiment. Les gens passés la nuit là sont toujours en train de bouger le popotin. Taranéo. Putain.